Vous avez de nouveaux messages. Aujourd'hui à 14h16. Ouais, Samir, c'est moi. Écoute, j'ai bien eu tes messages, mais s'il te plaît, arrête de m'appeler. Rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne sont. Tu sais que ça tenait qu'à moi. Tu sais que je t'aime, enfin, mais bon, il y a ma mère et... tu sais très bien qu'elle n'a jamais pu accepter notre relation, alors s'il te plaît, arrête, ne m'appelle plus. Désolé madame, si ma couleur ne passe pas, ou plutôt le pays d'où je viens les passera. Je veux la fille que vous avez portée pendant 9 mois. Je veux voir du henné sur ses mains que je suis un bon gars. J'estime que sa place, elle est près de nous. Elle fait partie de la famille, c'est la magie de l'amour. Quant à vous, laissez-la goûter à l'islam. On l'a pas mis en carte à vous, on l'a fait kiffer madame. S'il vous plaît, je vous paye les billets d'avion et Yallah. En route pour le mariage, sous les yeux de Allah. Franchement, je lui ai dit, on va à la mairie. C'était pas pour les papiers, je voulais devenir son mari. Madame, mon nom c'est bien la Harbi. Pourquoi pas le sien, Inch'Allah, c'est pour la vie. Peut-être la couleur du désert, la religion qui fait peur, et le cœur plein de sentiments, surtout pour mes frères et sœurs. J'ai l'amour dans mes gènes, les jeunes disent je t'aime. Je n'irai pas les miens, pour une femme qui pense qu'à elle. Peut-être la couleur du désert, la religion qui fait peur, et le cœur plein de sentiments, surtout pour mes frères et sœurs. J'ai l'amour dans mes gènes, les jeunes disent je t'aime. Je n'irai pas les miens, pour une femme qui pense qu'à elle. Rien madame, je peux pas changer, mais tout tu faisais comme ça. Et mon amour pour elle est réel, alors je donne ça. Je veux la ramener avec moi sous les palmes. Personne ne voulait depuis le début, je l'ai parié. Madame, c'est l'amour dont je vous parle. L'amour d'un pays, des traditions et d'une femme. Putain, vous avez détourné ma princesse. Ma vie, ma seule pièce. Rare parce que je suis Hadès. Ouais, jeune maghrébin, quand même bras. On ne veut pas me maquer, alors ça fait des combats, madame. Vous me refusez votre fille, donnez-moi une raison stable qui fera changer d'avis. Vous vous acharnez à faire de la sorcellerie, ou bien lire chez les voyants ce que je pourrais vous dire aussi. Oui, je l'aime, donc ne cassez pas l'union. Vous pourriez le regretter par la magie de l'amour. J'ai peut-être la couleur du désert, la religion qui fait peur, et le cœur plein de sentiments, surtout pour mes frères et sœurs. J'ai l'amour dans mes gènes, les jeunes disent je t'aime. Je n'irai pas les miens pour une femme qui pense qu'à elle. J'ai peut-être la couleur du désert, la religion qui fait peur, et le cœur plein de sentiments, surtout pour mes frères et sœurs. J'ai l'amour dans mes gènes, les jeunes disent je t'aime. Je n'irai pas les miens pour une femme qui pense qu'à elle. Madame, je vous jure, je réussis ma vie. Tous ceux qui diront le contraire sont pris par la jalousie. Écoutez, votre fille fait partie de mes plans. Je sais pourquoi elle est partie. Désolé si je suis pas blanc. Ma religion vous fait peur, ma race est mon bonheur. Votre fille est mon amour, et tout ça fait votre malheur. Madame, je veux surtout pas être méchant, mais ailleurs, je vous le jure, qu'elle tombera que sur des chiens. Comme d'ici dit, je viens d'un milieu arabisé. Mon cœur en fait partie, mais vous l'avez traumatisé. Tous contre moi, alors moi je ne veux qu'elle. Tous, j'arrête là, on se dit pas à la prochaine. Pas question de me rabaisser, pour qui vous me faites passer. J'ai sorti mon album et des vraies femmes, j'en ai caché. Peut-être la couleur du désert, la religion qui fait peur, et le cœur plein de sentiments, surtout pour mes frères et sœurs. J'ai l'amour dans mes gènes, les jeunes disent je t'aime. Je n'irai pas les miens pour une femme qui pense qu'à elle. J'ai peut-être la couleur du désert, la religion qui fait peur, et le cœur plein de sentiments, surtout pour mes frères et sœurs. J'ai l'amour dans mes gènes, les jeunes disent je t'aime. Je n'irai pas les miens.